Je me défonce, je bois mes regrets, papa ne sait pas que son fils devient une trap star. Fils de dinero, maman chante à la maison, j'ai rodé toute la night. Je passe mon quotidien à ravitaille, j'affile mon téléphone, j'ai pas besoin de watt. Fils de dinero, maman chante à la maison, j'ai rodé toute la night. Fils de dinero, moins de temps, je suis dans le coupé, toi ouvrant. On te coupe en morceaux si je suis de l'ouvre. J'enflis mon cop, mais je suis déjà ivre. Et cette chaudasse te la mise, tous les haters jouent dans ma tête. Y'a plus rien, faut que j'appelle mon plug. Et tu perds tes couilles devant le gang. J'aimerais que leur mensonge devienne réalité. Le prix du kilo vient juste de baisser. Plus de respect les petits rétis sur les anciens. Elle préfère quand ça n'est pas rentre albin. Mon cœur restera vide jusqu'à la fin. C'est la merde, on est dans le crime parce qu'on a faim. Tu connais jusqu'au bout, on y les fait. Ya ya ya. Je me défonce pas mes regrets, papa ne sait pas que son fils devient une trap star. Plus de dinero, maman j'entre à la maison, j'ai rodé toute la night. Je passe mon quotidien à ravitaille, j'enfile mon défaut, j'ai pas besoin de watt. Dinero, maman, j'entre à la maison, j'ai rodé toute la night. Je crois qu'on connaît que mon ennemi, yo. Big Kaga, rempli de cash. J'me prends pour eux d'autres dans mes nages. Si t'es pas prêt, tu voulais ta place. J'ai pas besoin de tourner que mon ennemi, yo. Big Kaga, rempli de cash. Ghetto chic, j'allume mon spliff. Comme si tout ça n'était qu'un rêve. J'vais pas rétiner par rêve. Big gars, c'est libérable. Fais toi et tes collègues en civil. Casse-toi, le reste n'est pas libre. J'la cuisine, j'la fous dans le mixeur. J'ai 17, j'oublie pas les petits frères. J'suis défoncé, j'reconnais personne. La haine sur le corner est devenue hardcore. Les contentieux finissent d'une balle dans la jugore. La haine sur le corner est devenue hardcore. J'me défonce, vois mes regrets, papa ne sait pas que son fils devient une trap star. Plus de dinero, maman j'entre à la maison, j'ai rodé toute la night. J'passe mon quotidien à ravitaille, j'enfile mon défaut, j'ai pas besoin de watt. Dinero, maman, j'rentre à la maison, j'ai rodé toute la night. J'ai pas besoin de tourner, j'ai mon ennemi, non. Big, Kaga, rempli de cash. J'me prends pour eux d'autres dans mes nages. Si t'es pas prêt, tu voulais ta place. J'ai pas besoin de tourner, j'ai mon ennemi, non. Big, Kaga, rempli de cash. J'me défonce, j'vois mes regrets, papa ne sait pas que son fils devient une trap star.